Ok. Alors, je te laisse te présenter si tu veux donner ton prénom. Oui. Bonjour, je suis Catherine. Je suis une enseignante très engagée, d'autant plus que je suis une ex-instit devenue PE, c'est-à-dire que j'étais recrutée en 91. Et concernant l'avancement pour les enseignants, on a eu un changement. Alors, c'est un petit peu administratif, donc j'essaie de résumer. Disons que quand j'ai commencé, je pouvais partir à la retraite à 55 ans, c'est passé à 57 ans. Et maintenant, on me parle de 62, voire 64, 67. Donc, plus j'avance en âge, plus on me demande de travailler. Et en plus, sans contrepartie financière, ou alors, si je pars un petit peu avant, si je bénéficie de mon droit, j'ai une énorme décote. Donc, de ce fait-là, on s'est réunis entre ex-instit. On a créé un collectif sur un groupe Facebook qui s'appelle le collectif des oubliés. On a commencé, on était 26 en septembre 2019. On est 1048 maintenant sur toute la France. On essaie de se faire entendre. Quelques syndicats nous entendent, mais des députés nous ont relayés aussi. Mais pour l'instant, on a une fin de non-recevoir de notre ministre et de tout le monde, pour ainsi dire. Vos revendications, c'est quoi ? Alors, nos revendications, c'est de ne pas être pénalisé d'avoir été instituteur au départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont créé le corps des professeurs des écoles en 91, il y a eu deux catégories d'enseignants avec deux avancements différents, parfois même différents selon les académies. On avait une chance, c'est de pouvoir partir à la retraite à 15 ans. Donc on nous objectait toujours ça, pour ne pas nous avancer en carrière comme les PE. Et après 15 ans d'enseignement, tu veux dire Oui, c'est ça. Okay. Et là, depuis 2018, depuis M. Blanquer, il y a eu un décret qui nous a encore plus reculé parce que... Au niveau des avancements, de l'avancement, ce qu'on appelle la hors-classe en fonction publique, on prend en compte depuis combien de temps on est professeur des écoles, mais pas depuis combien de temps on est enseignant. Donc nous avons des enseignants qui ont 36 ans de carrière, qui ne sont toujours pas hors-classe, alors que des enseignants qui ont 23 ans de carrière passent hors-classe. Juste parce que nous avons été instituteurs, donc catégorie B, en plus avec des salaires plus bas que les PE à l'époque. D'accord. Voilà. Donc, et en fait, c'est la même chose qu'ils vont nous faire en compliquant encore plus avec cette proposition-là de faire à partir de 75 deux systèmes différents. Exactement. On a l'impression qu'on a été le brouillon de M. Blanquer pour ce qui est en train de se passer actuellement. Nous, on s'est alerté en partir de 2019. On a commencé à se dire, mais comment ça se fait que les PE passent hors classe et pas les ex-instit? On s'est renseigné auprès des syndicats. Certains ont dit, bah oui, mais bon, vous êtes des cas minoritaires, vous êtes des cas particuliers. On s'est quand même un petit peu étonné et donc on s'est servi des réseaux sociaux pour se trouver entre nous. Donc on est sur toute la France, on s'est aperçu que on n'est pas que quelques-uns, mais en plus le principe, le système d'éducation nationale, c'est que si on n'est pas syndiqué, si on ne se renseigne pas, on est informé de rien. Heureusement que par les réseaux sociaux, on a pu se trouver, on a pu s'organiser, on a pu alerter et informer. Et d'ailleurs, si autour de vous, vous connaissez des ex-instit qui ne sont toujours pas hors classe, dites-leur de se renseigner auprès des syndicats ou auprès de notre collectif Facebook. Et d'ailleurs, maintenant, nous sommes en association, le collectif des oubliés, avec un Z. Et nous sommes en train de monter un recours auprès du tribunal administratif, mais... je pourrais en parler bientôt parce que le recours va bientôt être posé. On est au moins 100 à poser le recours. Merci beaucoup, Catherine.